receive and see the salvation of the Lord, which he will show to you today. For the Egyptian whom you have seen today, you shall see them again no more forever. The Lord shall fight for you, and you shall hold your peace. Amen. And the Lord said, verse 15, very interesting. Amen. And the Lord said unto Moses, wherefore cry thou unto me? He was saying it and he was still crying. Everybody afraid. Because see Moses himself, there was fear. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez là aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Donc tu vois que malgré Moïse disait ça, lui-même aussi s'est inquiété vraiment. Amen. Mm-hmm. And the Lord said unto Moses, wherefore cry thou unto me? Speak to the children of Israel, that they go forward. But lift thou up your rod. Praise the Lord. Hallelujah. And stretch out your hand over the sea, and divide it. And the children of Israel shall go on dry ground, through the midst of the sea. Is somebody getting something here? There's nothing impossible for the Lord. Donc, versets 15 et 16, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi m'appelles-tu à l'aide ? Dis aux Israélites de se mettre en route, prends ton bâton en main et élève le dessus de la mer, ouvre ainsi de passage. » Donc, ici, on voit que pour l'Éternel, il n'y a rien qui est impossible. Let us believe the Lord. On doit vraiment croire l'Éternel. He's the one taking care of us. C'est lui qui prend soin de nous. He was the one taking care of them. Car il était aussi la personne qui prenait soin aux enfants d'Israël. Mais eux, ils n'ont jamais cru à l'Éternel. In spite of all the miracles he did in Egypt. Obwohl sie so viele Wunder gemacht gesehen haben in Ägypten. Malgré ils ont vu beaucoup de miracles en Égypte que l'Éternel a fait. Amen. They never believed. Haben sie dennoch nicht geglaubt. Mais ils n'ont jamais cru. Amen. Are we different from them today? Sind wir aber anders als sie heute? Est-ce que nous sommes différents d'eux aujourd'hui? What we have today is greater than all the miracles done that the Lord did before them. Das, was wir heute haben, ist größer als all ihre Wunder zusammen, die sie erlebt haben. Denn für uns, Gott ist für uns gekommen, ist für uns gestorben und auferstanden. Mais ce que nous, aujourd'hui, on voit ici, c'est plus grand que les enfants d'Israël, parce que c'était pour nous, c'est pas seulement des miracles ordinaires, mais pour nous, il a vraiment... il s'est fait crucifier, il a donné son sang et puis il est ressuscité pour nous. Et ça, c'est encore plus puissant que les miracles des enfants d'Israël. Et c'est pour cela qu'on doit vraiment lui croire. Amen. Amen. That the Spirit of Christ can now live inside us. Dass der Geist von Christus in uns wohnen kann, das ist größer als alles andere. Le fait que l'Esprit de Jésus-Christ peut vivre maintenant en nous, ça, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. You know, here they were no longer in Egypt. They left Egypt, but they never allowed Egypt to go. Hier sieht man, sie waren nicht mehr in Ägypten physisch, aber sie waren geistlich immer noch da. Sie haben es nicht losgelassen. Ici, on voit vraiment que physiquement, ils n'étaient pas en Égypte, mais dans leur esprit, dans leur âme, ils étaient toujours en esprit en Égypte parce qu'ils ont toujours pensé à Égypte. Amen. The flesh that was supposed to be dead to them. Das Fleisch, was eigentlich tot hätte sein müssen für sie. La chair qui a dû été mourir pour eux. Amen. Mm-hmm. Look at why we do not have victory very fast on time. Seht euch an, weshalb wir eben nicht schnelle Erfolge haben oder sehen. Et on va voir vraiment pourquoi on n'a pas de victoire si vite. Weshalb die Dinge sich nicht beschleunigen, schnell sind. Lord know the hardness of our heart. Weil der Herr die Härte unseres Herzens kennt. Pourquoi les choses pour nous aujourd'hui sont vraiment en train de prendre beaucoup de temps? Parce que l'Éternel, il connaît aussi comment notre cœur est endurci. Praise the Lord. Mm-hmm. Exodus 13, verse 17 and 18. 2. Mose 13, 17 und 18. Exode 13, 17 à 18. And it came to pass, when Pharaoh had let the people go, that God led them not through the way of the land of the Philistines, although that was near. For God said, do you see it here? Amen. There was an easier way to get the victory. Es gab einen einfachen Weg, um diesen Erfolg zu erlangen. Ici on voit shorter way. Also. Ein kürzerer Weg. Ici on voit vraiment qu'il y avait encore une autre rue qui était encore plus oui, qui n'était pas si lent. Mais Jésus-Christ, mais l'Éternel les a donné un chemin plus lent. He said, although that was near, for God said, lest peradventure the people repent when they see war and they return to Egypt. Oh, He knows your heart. Il connaît notre cœur. Lorsque, on va le lire, Exode 13:17, lorsque le Pharaon laissait partir les Israélites, Dieu ne leur fit pas prendre le chemin du pays de Philistins, bien que ce soit le plus direct. Il craignait en effet que le peuple effrayé par les combats à livrer ne change d'avis et revienne en Égypte. Donc l'Éternel connaît notre cœur. Allow the Lord to trust you. Lass zu, dass der Herr dir vertrauen kann. Tu dois vraiment permettre à l'Éternel. Somebody getting it. He did not trust them. Er hat ihn nicht vertraut. L'Éternel ne les a pas fait confiance. You can see that was why. Everything was so hard for them. Deswegen war alles so schwer für sie. The journey was long. Deswegen war die Reise lang. Et tu peux voir maintenant pourquoi ce voyage était si lent pour eux, parce que l'Éternel ne les a pas fait confiance. Amen. So but God led the people about through the way of the wilderness of the Red Sea, and the children of Israel went up, harnessed out of the land of Egypt. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He knows the hardness of their heart. Er kennt die Verhärtung ihres Herzens. Donc l'Éternel connaissait leur cœur endurci. Amen. Return to Egypt. Das wieder bei dem kleinsten. He knows that the slightest thing we want to bei der kleinsten Sache wieder zurück nach Ägypten. L'Éternel savait que que il suffit juste une petite chose pour qu'il puisse vouloir rentrer en Égypte. Return to those he called the dead. Man wieder schnell zu denen zurückkehrt, die er tot nennt. Donc de retourner chez ces gens-là, là où que Dieu appelle les morts. The Lord did not like it. Dem Herrn hat das nicht gefallen. L'Éternel n'a pas aimé ça. We do the same today. Aber wir tun das Gleiche heute. Mais nous, on fait la même chose aujourd'hui. The natural family that's supposed to be dead to us. Die natürliche Familie, die eigentlich tot sein müsste für uns. La famille naturelle qui devrait être mort. Because of their rejecting or ignoring Christ. Weil sie Christus verweigern. Parce que eux sont en train de rejeter le Christ. Die Wahrheit. Amen. Et la vérité. But because we never believe they are dead. Aber wir niemals glauben wollen, dass sie tot sind. Though we say it. Obwohl wir es vielleicht sagen. Mais parce que nous, on ne croit jamais dans notre cœur qu'ils sont morts, même si on sait qu'ils n'ont pas de la vérité. Anytime they need help or we need help. Wenn sie Hilfe brauchen oder wir Hilfe brauchen, sind sie immer eine Option. Chaque fois qu'ils ont besoin d'aide, bien que nous on a besoin d'aide, eux ils sont directement les premières options qu'on a. You allow the dead to occupy you instead of life. Wir lassen so, dass die Toten uns umgeben, unser Herz umgeben, statt das Leben, Christus. Là, tu permets toujours aux morts de remplir tes pensées au lieu de que la vie puisse remplir tes pensées. Praise the Lord. Amen. 2 Peter 2:14. 2:14. 2 Pierre 2, verset 14. Amen. 2:14. 2 Peter 2:14-19. 2 Peter 2. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Mm-hmm. From 14, please. 14. It's a having eye full of adultery, and that cannot cease from sin, beguiling unstable souls, and her that hath exercised with covetous practices, cursed children, which have forsaken the right way, and are gone astray following the way of Balaam, the son of Bosu, who loved the wages of unrighteousness. Verse 16. But was rebuked for his iniquity, the dumb ox speaking with man's voice, forbid the madness of the prophet. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. This, verse 17. These are well without water, clouds that are carried with a tempest, to whom the mist of darkness is reserved forever. For when they speak great swelling words of vanity, they allured through the lust of the flesh, through much wantonness, those that were clean escape from them who live in error. Verse 19. While they promise them liberty, they themselves are the servant of corruption. For of whom a man is overcome, of the same is he brought in bondage. For if after they have escaped the pollution of the world through the knowledge of the Lord Jesus Christ, our Savior, they are again entangled therein and overcome, the further end is worse than them than the beginning. For it had been better for them not to have known the way of righteousness. Mm. Somebody getting something here. Mm. Amen. Mm. Than after they have known it, to turn from the holy commandment delivered unto them. But it is happened unto them, according to the true proverb, the dog is turned to his own vomit again, and the soul that was washed to her wallowing in the mire. Praise the Lord. Amen. Amen. Let us stop going back. Lass uns bitte aufhören zu gehen. On doit vraiment, on doit continuer à avancer, pas partir en arrière. Let us stop thinking back. Lass uns aufhören zurückzudenken. On doit arrêter de penser en arrière. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Proverbs 26, verse 11 also say the same thing. In Sprüche steht das gleiche. Amen. Et à Proverbe nous dit la même chose. We just read in Exodus 13, verse 17. Wir haben gerade in 2. Mose 13 gelesen. On venait de lire Exode 13. He to see us returning to Egypt. Er hat es zu sehen, dass wir talking about Egypt. Über Egypt. Saying it. Mm. Oh no, if we're saying it at all, that we're not having it in heart at all. Erst wenn wir das Verlangen haben, wieder zurück nach Ägypten zu gehen. Il déteste ça quand on a vraiment, oui, le besoin ou bien envie de retourner en Égypte. Donc on se dit, ben, j'aimerais bien faire ceci, cela, mais bon, à cette heure, j'allais être là-bas et j'allais faire ceci. Il déteste ça. Praise the Lord. Isaiah 31, verse 1-3. Amen. You know, this is Egypt. Amen. I thank the Lord I'm not from here. I know it's not Egypt as a country. Ich weiß, es geht nicht um Ägypten als ein Land. Amen. Mm-hmm. Woe to them that go to Egypt for help. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If you not belong to Christ, let God's children be your helper. Wenn du zu Christus Jesus gehörst, lass zu, dass Kinder Gottes deine Helfer sind. Si, donc il déteste, donc quand il parle d'Égypte, il parle pas seulement d'Égypte comme le pays en soi, ça peut aussi être, une trace de l'ancien homme, le vieil homme. Et c'est pour cela qu'on doit vraiment faire attention. What they have might not be good enough. Was sie haben ist vielleicht nicht gut. But what they have is Christ. Aber es ist Christus. C'est pour cela que tu dois préférer d'être avec les enfants de Dieu parce que eux ils sont pas l'Égypte, ils sont la part de ton de du nouvel homme. Et peut-être c'est que eux ils ont, c'est pas quelque chose de précieux, mais dans tes yeux ou bien dans les yeux de l'être humain, mais c'est que eux ils ont c'est le Christ et ça c'est vraiment précieux. Amen. What they have might not be beautiful enough naturally. The art of the Egyptian might be even more beautiful than what they have. But what they have, I can assure you, is Christ. Und es ist vielleicht nicht schöner als das, was die Ägypter haben, aber es ist auf jeden Fall Christus. C'est que eux ils ont peut-être c'est pas plus beau de ce que les Égyptiens ont, mais ce qu'ils ont c'est le Christ. Amen. Allow Christ's family, allow Christ's children to be your helper. Lass du das die Familie von Christus dein Helfer. Learn it. Amen. It's part of your renewing of the mind. How your soul can change. How you now allow Christ to clean your soul. Your soul needs your cooperation by choosing Christ, by you know, God children. Well, their midst might not be comfortable. Their midst might not be, you know, it might not be just have your own room, or you just have anything, you know. We use everything together, but it's surely Christ. Und damit erneuern wir auch unsere Gedanken, weil wir uns dann immer wieder für die Kinder Gottes dann entscheiden und gegen die Welt, obwohl die Welt vielleicht bequemer, schmackhafter, schöner oder eleganter ist, aber dennoch entscheiden wir uns dann für Christus und weil wir halt, wenn wir uns für Christus entscheiden, wenn wir uns für die Kinder Gottes entscheiden, immer mit Christus rechnen können. Vielleicht können wir nicht mit einem wunderschönen, bequemen, tollen Zimmer oder einer tollen Einrichtung rechnen, aber wir können immer mit Christus rechnen, wenn es um Kinder Gottes geht. Donc, quand on choisit les enfants de Dieu, on doit vraiment savoir qu'on est, c'est comme ça qu'on est aussi en train de renouveler nos pensées. Parce que peut-être, naturellement, choisir les enfants de Dieu ou bien être avec les enfants de Dieu, c'est pas si confortable, c'est pas si beau. Tu n'es pas seul comme tu voulais là être. Tu n'as pas ton appartement pour toi-même. Tu n'as pas ta chambre pour toi-même. Mais c'est que tu as, c'est le Christ. Et ça, c'est plus précieux, malgré l'ancien ou bien le naturel, quelquefois ça t'offre de plus. Praise the Lord. Amen. You know, allow God's children to be your helper. You might not be one that gave birth to them naturally, but they are Christ. Christ being there for you is better than any man being there for you. Ja, lass dir das Kinder Gottes deine Helfer sind. Sie sind vielleicht nicht biologisch deine Geschwister oder du hast ihnen vielleicht nicht das Leben geschenkt, aber dennoch ist es besser, wenn Christus für dich da ist, als wenn das Fleisch für dich da ist. Autorise vraiment aux enfants de Dieu à être vraiment les gens qui doivent, qui t'aident ou bien qui sont là pour toi. Peut-être naturellement, ils sont pas tes sœurs et tes sœurs, tes frères naturellement, mais eux, ils sont les Christ qui sont là pour toi. Praise the Lord. It's a word to them that go down to Egypt for help and stay on horses and trust in chariots because they are many. And in horsemen because they are very strong. But they look not unto the Holy One of Israel, neither seek the Lord. Yet he also is wise and will bring evil. I will not call back his words, but will arise against the house of the evildoers and against the help of them that walk iniquity. Mm. Verse 3. Now the Egyptians are men and not gods. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. They are men and not gods. What where you are going, what look comfortable, what look suitable for you. Ja, men are not God. Was bequem then aussieht, ist immer noch God. Menschlich, aber nicht göttlich. Mm. Mm. Donc, Esaïe 31, 1 à 3. Quel malheur de voir ces gens qui se rendent en Égypte. Ils cherchent des secours. Ils comprennent sur les chevaux. Ils comptent sur les chevaux. Ils font confiance aux chars parce qu'ils sont nombreux. Et verset 2 nous dit, lui aussi, pourtant, cet hiver, il amène le malheur, n'a pas retiré ses menaces. Donc, on doit vraiment considérer les enfants de Dieu, parce que malgré naturellement, ça ne peut pas être beau, mais c'est le Christ. Praise the Lord. Hallelujah. So now the Egyptians are men and not God. And their horses' flesh are not spirit. Praise the Lord. Amen. I love that. Parce que Paul dit que les Égyptiens ne sont que des hommes. Ils n'ont aucun pouvoir divin. Leurs chevaux ne sont que des chevaux. Ils n'ont aucun don surnaturel comme les enfants de Dieu. Praise the Lord. You know what you see? What you not know, that of God's children might be nothing but their spirits. Naturally, they might not. Parce que c'est que les enfants de Dieu ont naturellement, peut-être ce n'est rien de spécial, mais c'est son esprit. Donc ça signifie que les choses naturelles, c'est plus que les choses naturelles. Amen. There is a way the Lord shall stretch out his hand. But he that helpeth shall fall, and he that is helping shall fall down, and they all shall fail together. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Allow Christ to be your helper. Lass du das dein Helfer ist. God's children. Nimm dich die Kinder Gottes entscheidest, dass die für dich da sind. Le sauveteur trébuche, celui qui devrait aider le retrouvateur et c'est que la fin pour tous les deux. Donc on doit vraiment autoriser les enfants de Dieu à nous aider parce que c'est une aide divine et surnaturelle. Praise the Lord. Alléluia. Jérémie 17. Jérémie 17. Amen. From 5 to 8. 5 à 8. He says, "Don't say the Lord. Cursed be the man that trusted the man, and make a flesh his arm, and whose heart departed from the Lord." Is somebody getting something? So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und vielleicht zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Jérémie 17, 5 à 8. Il nous dit ici que 5 verset 8. 5 à 8. Je maudis celui qui se détourne de moi, ne met sa confiance qu'en l'homme et cherche sa force dans, dans les pauvres moyens humains. Praise the Lord. Hallelujah. Then verse 6 also. It says, for he shall be like the heart of the desert and shall not see when good cometh, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land, and not inhabited. Verse 7. Blessed is the man that trusted in the Lord, and whose hope the Lord is. Amen. For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her root by the river, and shall not see when heat cometh. But her leaves shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. Oh, praise the Lord. Hallelujah. I hope you get it. Mm-hmm. Amen. Amen. What is the motive of whatever decision you are taking? What's das Motiv von jeder ethischen Entscheidung, die du triffst? C'est quoi le motif de toutes tes décisions? Is it Christ alone? Est-ce que c'est le Christ? Oh, because something is comfortable. Oder weil es bequemer ist. Ou parce que les choses sont confortables pour toi. Is it because it's big enough? Ou weil es groß genug ist. Ou parce que c'est plus grand. Is it because it twists so to the flesh? Oder weil es im Fleisch passt. Ou bien c'est bien pour ta chair. You can see the advantage of the flesh everywhere there. Du siehst die Vorteile des Fleisches überall. Là, tu peux voir les avantages de la chair partout. Amen. Let it be Christ. Lass zu, dass es Christus alleine ist. Mais permet qu'il s'agit toujours de Christ. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Amen. Why are you taking your decision? Deshalb triffst du eine Entscheidung. Pourquoi tu prends cette décision? You know, a lot of us can say to give people Christ. Einige können von uns sagen, weil Christus den Menschen weitergeben möchte, in ihrer Nähe sein will. Beaucoup d'entre nous peuvent dire, oui, on prend cette décision pour donner aux gens le Christ. But we have been given their Christ, but they never accepted. Aber wir haben ihnen Christus gegeben und sie haben es nicht akzeptiert. Mais on les a donné le Christ, mais ils n'ont jamais accepté. They keep on rejecting it. Sie verweigern es ständig. Ils continuent à rejeter le Christ. When are you going to draw the line? Wann wirst du den Schlussstrich ziehen? Mais quand est-ce que tu vas tracer une ligne? Until they join you, they turn you over to become like them. Erst wenn wirst du erst die Grenze ziehen, wenn du auf ihrer Seite auf einmal stehst. Tu vas tracer une ligne quand toi tu vas devenir oui, tu vas faire part d'eux. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Going to them should never be an option. Zu ihnen zurückzukehren sollte niemals eine Option sein. Rentrer en Égypte ou rentrer chez tes biens chez eux, ça ne doit jamais être une option. Amen. Amen. You have been preaching to them. Amen. Wir haben zu ihnen gepredigt. Tu les as prêché. That alone should help you to know that there is no going back. Das allein zeigt dir, dass es kein Zurück mehr gibt nach Ägypten. Et seulement ça, ça doit t'aider à comprendre qu'il y a pas que tu ne dois jamais retourner en Égypte. Because they chose to be Egyptians. Und sie haben sich entschieden dafür, Ägypter zu bleiben. Parce que eux, ils ont décidé d'être des Égyptiens. I know we are growing. Ich weiß, dass wir wachsen. Je sais qu'on est en train de grandir. Let us keep on growing in Christ. Lass uns weiter in Christus wachsen. Mais on doit continuer à grandir en Christ. Christmas is coming. Weihnachten kommt. Noël arrive. A new year is also at the corner. Das neue Jahr steht auch schon an der Ecke. Et nouvel an est près. De la Where are you going to celebrate then? Wo werden wir diese Tage feiern? Où est-ce que tu vas célébrer, Noël? I cannot imagine myself celebrating with the dead. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, mit den Toten zu feiern. Moi-même, je peux pas m'imaginer célébrer Noël avec les Jesus morts. Said they are dead. Jesus sagt, sie sind tot. Mais Jésus-Christ a dit qu'ils sont morts. What is the part of dead that you cannot understand? Welchen Teil von Tod verstehen wir nicht? Quelle partie de ils sont morts tu pas quand tu n'es pas capable de comprendre? Are you going to believe Christ or not? Wenn wir Christus glauben oder nicht? On va croire en Christ ou pas? I thank the Lord for Moses. Ich danke dem Herrn für Moses. Je remercie l'Éternel pour Moïse. Amen. Your natural family may have things worth more than us. Denn natürlich Familie hat vielleicht like Besitz und Reichtum mehr als das, was die Kinder Gottes haben. Hebrew, ta famille naturelle peut avoir plus d'argent que oui que tes frères et sœurs. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. What this world call wealth? Was diese Welt Reichtum nennt? C'est que le monde appelle richesse. Hébreux 11. The blood that is thicker than water is Christ's blood. Das Blut, was dicker ist als Wasser, ist das Blut von Christus und nicht das natürliche Blut. Le sang qui est plus fort que de l'eau, ça c'est pas le sang de la famille naturelle, ça c'est le sang de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Hébreux 11, verset 23. Amen. Hébreux 11, verset 23. Praise the Lord. So by faith, Moses, when he was born, was he 3 months of his spirit, because they saw he was a proper child, and they were not afraid of the king's commandment. Amen. Amen. You know that Moses, he was not brought up by his natural biological parents, which is the real family, as according to the system of this world. Von seinen biologischen Eltern aufgezogen. Mm-hmm. On sait que Moïse n'a pas été élevé ou bien oui élevé par sa famille naturelle. And you know, people will say you are so lucky to not have a family that is even a king. Und Leute würden sagen, boah, du hast aber echt Glück gehabt, dass du einfach jetzt Teil einer königlichen Familie bist. Mais les gens peuvent dire aussi à Moïse, peut-être t'as de la chance parce que maintenant les gens qui t'ont élevé ou bien éduqué, ce sont maintenant c'est une famille royale. You know, Moses was even loved there. He was not being punished there. Und Mose wurde dort nicht schlecht behandelt. Er wurde geliebt, er wurde akzeptiert. Et dans cette famille là, Moïse a été vraiment aimé, on a vraiment accepté. On l'a bien traité. Amen. You know, Moses' natural family, they were poor. Denn die natürliche Familie von Mose war arm. Parce que la famille naturelle de Moïse était vraiment. But this king, Pharaoh, and the family, they were so wealthy. Aber diese, der Pharao, diese Königsfamilie, sie waren wie Götter in dem Land. Sie hatten so viel Besitz. Mais la famille royale de Moïse, qui venait du Pharao, ils étaient vraiment très riches. Ils étaient comme des rois dans ce pays. You know, Moses is supposed to be proud of them. Mose hätte eigentlich stolz darauf sein können, dazu zu gehören. Et Moïse devrait être fier d'être l'un d'eux. Praise the the Lord. Amen. Amen. Verse 24. He said, by faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. He refused. Ils nous disent que par la foi, Moïse, renonça au titre de fils de la fille du pharaon. Il a renoncé à ce titre-là. Il a refusé. Praise the Lord. So viel Reichtum, so viel I love that. Malgré toute cette richesse, il a renoncé. Amen. Das liebe ich. Et ça, j'aime ça. Verse 25. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy pleasures of sin for a season. He knows that this in everything here there are for seasons. Er wusste, dass all das hier zeitlich ist, vergänglich ist. Parce que il savait que c'était juste pour un temps les histoires de ce monde. And is somebody getting something? Praise the Lord. Yeah. You know, naturally people will say, Moses, you are so lucky. A rich family. Where you are now? Praise the Lord. It's like people coming from Africa coming here into Europe. And people will not say, you are so lucky you are out of there. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Donc les gens pouvaient envier Moïse et lui dire que ben, toi, tu as de la chance d'être l'enfant de Pharaon. C'est tout comme les gens de l'Afrique. Quand ils viennent ici, ils disent que nous sommes vraiment... on a de la chance de vivre ici en Europe, de sortir de l'Afrique. Natürlich sehen wir Leute sagen, was ist große losgezogen, dass du jetzt bei der Königsfamilie zu Hause sein darfst, zu ihnen gehörst, all das erbst. Aber und genauso wie es auch Leute heutzutage sagen würden, Paul, du hast richtig Glück, dass du raus no aus in Africa, Afrika bist, raus aus der dritten Welt bist und jetzt hier in Europa, in der westlichen Welt aufwächst, groß wirst und leben kannst, leben darfst. Du hast Glück, dir geht es gut. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, somebody said it to me the other one some time ago. I was in the bank. Amen. I stood on the line. And a man at my back just said, he said, look at you. He said, if you are in Africa, you will not be like this. I just look at him. I said, do you think this is a country? This is rubbish. This country is rubbish. What made me who I am is Christ Jesus. Amen. Amen. Are you getting it? Praise the Lord. Ich hatte auch schon mal vor kurzem so eine Situation, wo ich bei der Bank in der Schlange stand und da war ein Herr hinter mir und der einfach meinte, ja, Ihnen geht es halt nur so gut, also gucken Sie mal an, wie Sie aussehen, Ihnen geht es richtig gut, weil Sie hier in Deutschland wohnen. Deutschland ist toll. Deutschland. Dann hat er darüber geredet. Und dann habe ich mich umgedreht und ihm gesagt, dieses Land ist halt Dreck, ist halt nichtig. Na, dass ich bin das, was ich bin, wegen Christus Jesus, nicht wegen irgendeinem I was Land. Shouting. Und ich war laut dabei. And he ran away. Und er ist weggelaufen. I was pursuing him. I was just shouting after him. What are you saying? I said, this man is scheiße. Only Jesus Christus. Let me tell you, it's all about Christ Jesus. Praise the Lord. Alléluia. Amen. En fait, une fois j'étais dans la queue à la banque et j'attendais que mon tour vienne pour prendre retirer de l'argent. Il y avait un homme qui était derrière moi qui m'a dit, mais regarde toi-même, tu as maintenant l'opportunité de venir en Allemagne. Et si c'était pas pour l'Allemagne, tu n'allais pas avoir, tu ne pouvais même pas être ici à la banque pour prendre de l'argent. Et moi, je me suis tournée et j'ai dit à cet homme que l'Allemagne, c'est, sans Jésus-Christ, l'Allemagne, ce n'est rien de spécial. Parce que moi, j'ai le Christ. C'est Jésus-Christ qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et ce n'est pas l'Allemagne qui a fait de moi ce que je suis ici. Et j'ai même prié dessus, sur cet homme. Et oui, il est parti. Praise the Lord. Halleluja. Genau, ich habe ihm gesagt, dass Deutschland halt einfach Mist ist ohne Jesus Christus. Ne, jeder Ort ist want to be Mist. Here. Wer will denn hier sein ohne Christus? Praise the Lord. Halleluja. Verse 26. Amen. Amen. He said, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasure in Egypt. For he had respect unto the recompense of the reward. By faith he forsook Egypt, Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Huh. Praise the Lord. Hallelujah. Not fearing anyone. Niemanden fürchten, weil du ihn, den Herrn, allein siehst, der unsichtbar für dich sichtbar ist, weil er dein Vater ist. Donc lui, il a fixé ses yeux sur la récompense du futur du Christ. Il a vu que Jésus-Christ, parce qu'il sait que son Père est plus puissant. Amen. Moses was not after the flesh. Mose war nicht hinter dem Fleisch her, sondern hinter dem Geist. Donc Moïse n'était pas derrière la chair, il était derrière l'esprit. Praise the Lord. You know, verse 24 and 25. In 24 and 25. Verses 24 and 25. You know, he did not choose to suffer with his natural family. Er hat sich nicht entschieden, those he called his biological family. Natürliche Familie zu leiden. Verse Christ. Look at it. Verse 25 nous dit qu'il préféra être maltraité avec les peuples de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs momentanés au péché. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He said, chosen rather, verse 25. Chosen rather to suffer affliction with the people of God. Not the flesh family. Nicht die Fleisch. It was about the spirit. Es ging um den Geist. And not the flesh. Nicht das Fleisch. With Moses. Are you getting it? Down to enjoy the pleasures of sin for a season. Praise the Lord. Hallelujah. Esteeming the reproach of Christ, greater riches. It was all about Christ for him. Es ging nur um Christus. You see that? He chose Christ. Er hat sich für Christus entschieden. Donc il a choisi Jésus Christ. He chose Christ, though there was nothing there naturally. Er entschied sich für Christus, obwohl es nichts gab dort. Donc il a choisi Jésus Christ malgré il y avait rien de bon dans choisir Jésus Christ naturellement. Amen. Amen. Maybe once he lived there, the room is not going to leave. 10, 20 people can even be in one room. But he preferred it. Is somebody getting it? 100 people are going to be there. No food. No water, nothing. It's all about lack. But I don't care. All I care is that is Christ. Amen. Und vielleicht wird der Ort, an dem er geht, voll von Mangel sein, voll von Unbequemheit, voll von Enge und all das, was halt einfach für den Menschen Unwohlsein hervorbringt. Aber dennoch hat er sich für Christus entschieden. Moïse, par exemple, il venait du palace du Pharao. Il avait vraiment peut-être des milliers de serviteurs, mais lui, il a préféré de souffrir avec les enfants d'Israël. Donc ça signifie que là où il avait préféré de partir dormir, peut-être c'était une petite chambre avec 50 personnes, 50 000 personnes, il n'y avait rien à manger. Mais lui, il a préféré de partir là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a vu que son père... You know, I remember somebody said some time ago, he said we can only pray for people and not give people money. Then the Lord reminded me of Peter and John. Silver and gold have I not. But such as I have, I give unto you. He gave what was more than money. Und ich kann mich daran erinnern, dass jemand hier mal in der Gemeinde gesagt hat oder zu uns gesagt hat, dass wir nur beten können. Mehr können wir den Leuten nicht bieten. Aber wir kennen das, dass die Situation, wo Petrus gesagt hat, dass am schönen Tor gesagt hat, Silber und Gold habe ich nicht, aber das, was ich habe, das ist Jesus Christus, deswegen stehe auf und gehe und das ist größer als jeglicher Besitz. On peut voir que, je me rappelle, il y avait quelqu'un qui me disait que, ben oui, dans nous aussi à l'église, on ne peut pas donner à quelqu'un de l'argent, on peut seulement prier pour les gens. Et je me rappelle à Actes des Apôtres 3, où il y a des disciples qui disaient à un homme que on a de l'or et de l'argent, on n'a même pas, mais on peut te donner quelque chose qui est plus valable que ça. Et ça, c'est le Christ lui-même. I thank the Lord for Moses. Je danke dem Herrn für Moses. Et je remercie l'Éternel pour Moses. What matter is Christ. Was zählt, ist Christus. Parce que l'important, c'est seulement le Christ. And not in flesh. Und nicht das Fleisch. Et c'est pas la chair. That is a living soul. Das ist eine lebendige Seele. Et ça, c'est une âme vivante. That's really a living soul. Das ist wirklich eine lebendige Seele. Et ça, c'est vraiment une âme vivante. Amen. That is a living soul and not a dead soul. Das ist eine lebendige Seele, nicht eine tote Seele. Et ça, c'est une âme vivante, pas une âme morte. A dead soul will be proud of Pharaoh. Eine tote Seele wäre stolz auf den Pharao. Parce que un âme mort pouvait être fier de Pharaon. Oh, you see, if you want to go back, you go back to the natural family. The biological family that he know that, yeah, you know that okay, blood is thicker than water. You know, let me go to them. Zurückgehen zur biologischen Familie, weil Blut ja dicker ist als Wasser. Oui, elle allait même rentrer dans la famille biologique parce que oui, le sang est plus fort que l'eau, plus puissant que de l'eau. Mais il a pas fait ça. Look at verse 27, very important. Verset 27. He said, "By faith he forsook Egypt. He was not afraid to reject the flesh." Er hatte keine Angst, das Fleisch zu verlassen. No fear to reject the flesh. Donc, verset 27 nous fait voir que par la foi, Moïse quitta Égypte donc, sans craindre la colère du roi. We are so afraid to let the flesh go. Ah, wir haben Angst davor, das Fleisch loszulassen. Mais nous, on a vraiment peur d'abandonner la chair. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Alleluia. He was not afraid to reject the flesh. Er hatte keine Angst, das Fleisch zu verweigern. Mais lui, il n'avait pas peur de rejeter la chair. Mm. Amen. He preferred the spirit. Where he can see it naturally. Geist. But he cannot see it. He cannot see anything working naturally. But he preferred the spirit. Er natürlich gesehen nicht gesehen hat, dass irgendwas da funktioniert, irgendwas da läuft. Dennoch hat sich für das Geistliche entschieden. Lui, il a choisi l'esprit malgré il a vu que l'esprit, il n'a pas vu que l'esprit lui a emporté ou bien emmené quelque chose naturellement de beau ou bien du bien, mais il a été capable à choisir l'esprit. Amen. You know, Paul was also like that. Paulus war auch so. Paul était aussi comme ça. Amen. What degree could have helped him more than going from prison to prison. Seine Errungenschaften, seine Abschlüsse hätten ihm mehr geholfen, als von Gefängnis zu Gefängnis zu gehen, natürlich gesehen. Donc, ses certificats, Paul, par exemple, ses certificats pouvaient plus l'aider au lieu de partir de prison à prison. He chose to suffer for Christ. Aber er hat sich entschieden, er hat sich für Christus entschieden, es war eine Entscheidung. Mais lui, il a choisi de suivre Jésus-Christ, ou bien il a choisi de souffrir avec les enfants de Dieu, Amen. Ou bien de choisir la chair. Matthieu 5:16, c'est let your light shine. Matthäus 5:16, lesen wir, dass unser Licht leuchten soll. Mais Matthieu 16 nous dit que notre lumière doit être allumée. It means let us allow Christ to change our soul. Wir sollen zulassen, dass Christus unsere Seele verändert. On doit laisser le Christ changer notre âme. From a dead soul to a living soul. Von einer toten Seele zu einer lebendigen Seele. De l'âme morte à l'âme vivante. A dead soul does not care where he celebrates. Anything. Eine tote Seele ist es egal, wo es irgendwas feiert. Donc une homme morte pour lui c'est ça l'intéresse pas ou fêter Noël. Who he or she celebrate with. Oder für oder mit wem er oder sie feiert. Ou avec qui elle va célébrer Noël. But a living soul cares a lot. Aber eine lebendige Seele ist das wichtig. Mais dans une âme vivante, ça c'est vraiment important. Amen. Because Christ said, he knows what Christ said. Denn diese lebendige Seele weiß, was Christus gesagt hat, dass wir nüchtern und wachsam sein sollen. Mais parce que une âme vivante sait que l'Éternel a dit qu'on doit vraiment être sobre et vigilant. Amen. A living soul cares a lot of whatever. He is doing. He cares a lot of whatever he's doing. That's a living soul. Eine lebendige Seele ist das, was sie tut, wichtig. Une âme vivante, ce qu'elle fait, ça c'est vraiment important. Amen. He always wants everything he does to be Christ. Sie will, dass alles, was sie tut, Christus ist. Une âme vivante veut que tout ce qu'il fait. Amen. Soit le Christ. Because Christ said, prove all things. Mais Christus sagt, wir sollen alles prüfen. Parce que l'Éternel a dit que tu dois tout éprouver. Praise the Lord. Hallelujah. A living soul will always prove all things. Eine lebendige Seele wird alles prüfen. Une âme vivante va tout éprouver. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. A dead soul will not know. We will fight whoever prove. Aber eine tote Seele wird will fight you. Die bekämpfen, die prüfen. Mais une âme morte va même combattre les personnes qui sont en train de prouver. Amen. Better pray, you know, living so we prove if this is Christ or not. Aber eine lebendige Seele wird prüfen, ob das Christus ist oder nicht. Mais une âme vivante va éprouver si ça c'est qu'elle fait ou bien c'est que quelqu'un fait. Amen. C'est le Christ ou pas. It is not what the flesh calls good or comfortable. Parce que we stop here. Geht schon das, was das Fleisch gut und bequem nennt. Mm. Il s'agit pas de ce que la chair appelle bien ou bien confortable. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Amen. Praise.